Shamima, la prison. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense pas que la prison soit un moyen très positif, dans le sens où, selon moi, ce qui est grave dans un crime, c'est la conséquence, l'atteinte que ce crime a sur autrui ou sur les biens d'autrui. Et par conséquent, le plus important, ce n'est pas de punir le criminel, mais plutôt de trouver le meilleur moyen de le faire réaliser la portée de son acte. Ensuite, je dirais que justement, la prison ne constitue pas le meilleur moyen de faire prendre conscience de son acte à un criminel. Et c'est justement pour ça que les criminels ont, à mon avis, tendance à récidiver, parce qu'ils n'ont pas réellement réalisé ce qu'il y avait de mal dans leur crime. De plus, je pense que la prison est plus un moyen de pointer du doigt le criminel que de l'aider à se resocialiser. Ok, d'accord. Vous dites que bon, la prison, ça ne marche pas, mais vous acceptez quand même que certaines personnes doivent aller en prison. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que, bien évidemment, j'accepte le fait que la prison est peut-être un moyen qui fonctionne pour certaines personnes. Mmh. Et qui, pour certaines personnes, leur font réellement réaliser la conséquence de leur acte. Mais peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que tu as des suggestions pour d'autres punitions? À mon avis, bien que ça puisse paraître une solution un peu difficile à mettre en place, je pense que confronter, dans certains cas, pour certains crimes, pas pour tous les crimes évidemment, de confronter la victime et le criminel à long terme serait peut-être pour moi une bonne idée, dans le sens où le criminel devrait faire face à la personne à qui il a fait du mal. Mmh. Et peut-être qu'en ayant à passer du temps ou à discuter ou à s'expliquer face à cette personne, il ressentirait justement ce gêne et comprendrait, réaliserait peut-être mieux l'impact de son acte, mmh. bien que ça puisse paraître une solution difficile pour la victime. Mmh. Mais si vous étiez vous-même victime, par exemple, d'une attaque très violente, tu ne voudrais pas voir le criminel se faire mettre en prison? Je pense qu'avant qu'il se fasse enfermer, ça dépend du crime. Donc évidemment, si c'est des crimes comme un viol ou quoi que ce soit, je ne voudrais pas avoir affaire à la personne. Mais si c'est un crime comme un vol ou une atteinte un peu minime, je pense qu'avant qu'il soit puni, j'aimerais ne pas avoir à passer au premier abord par un juge ou quoi que ce soit, mais plutôt être la personne que le criminel aurait en face et à qui il devrait s'expliquer son geste. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui dit, si on enferme quelqu'un en prison, on peut être sûr qu'il ne commet pas des crimes? À mon avis, un criminel finira toujours par purger sa peine et ressortir de prison. Et c'est très connu qu'une fois qu'ils ressortent de prison, ils peuvent devenir plus mauvais qu'ils ne l'étaient avant d'entrer en prison. Mmh. D'accord. Bon, merci.